Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah. C'était Yamal, terre au pécho. Un qui change. Hein? Manion, nos pères, on fait ça à la minute. Militant, sacré 22 comme militant. Ah ouais? On pétale comme des minotaures, les quêtes arrivent à Minato, donc on traverse les minotaures. Renifleur dont t'as plus en gris. Plaisanterie remontrée. L'ange, je l'ai plié en fit. Ce serait trop sale, je veux le voir en vrai. Je veux la main dans le congélateur, pas de toucher la tête, celle dans le noir, j'ai la peur. Dans le match, j'ai plongé la tête, mes mains dans du latex, c'est bon, j'ai touché la porte. J'ai pas signé chez Leicester, tu peux me croiser sur les listes. En manque, tu vas lécher le terre. T'es très content, tout le monde dit, pourtant, je veux laisser le star. Hop, bim, je suis côté passager, passager, on s'est flashé, des fois chassé. Un passateur, vérifie si c'est pas ses chiens. Un passager, qui montre qu'ils sont pas si chauds. Un patin bleu, c'est le quartier qui phénomène. Un coup de fil, et ta copine un phénomène. La rime, vous inquiétez pas, c'est fait les man. Non, ne copie pas ou fais mieux si tu fais la même. Épuisant, galère c'est épuisant, cardage c'est épuisant, épuisant, tu connais le bison. Épuisant, épuisant, épuisant, galère c'est épuisant, cardage c'est épuisant, épuisant, tu connais le bison. Épuisant, épuisant, épuisant, fatigué je perds mon sang, épuisé je perds du temps, rapidement, on va te tromper un temps. Épuisant, épuisant, épuisant, fatigué je perds mon sang, épuisé je perds du temps, rapidement, on va te tromper un temps. Le rap se pousse vers le bloc opératoire. Bravo au P à l'air. Fais pas de l'opératoire. Je débrouillard va te présenter à l'air. R6 guérilla char d'assaut. Pendant que le pétard m'assomme. Me dit l'armée des bars salauds. Je prends une bouteille au gros format seul. On fait du sale c'est pas des lol. J'ai trop fumé au capillon me faire aborder là. On dit fait rien si c'est pas des lol. Et index c'est fait par une et par Bella. Hop bim, fais crier le terme au mec. Bienvenue dans le terminus. Fumez dans le cerveau même. Quand fini mon terminus. Dans la foulée gros j'en perds sommeil. La fatigue je commence par semer. Capuché de l'argent pas combien par ce manque. Rien à foutre j'ai tout dans le parchemin. Y'a juste en passant par chez moi. La mer coule Porsche au moins. Vram vram a compris quand je pars chez toi. Épuisant, galère c'est épuisant, cardage c'est épuisant, épuisant, tu connais l'épisode. Épuisant, épuisant, épuisant, galère c'est épuisant, cardage c'est épuisant, épuisant, tu connais l'épisode. Épuisant, épuisant, épuisant, fatigué je perds mon sang, épuisé je perds du temps, rapidement, on va te tromper un temps. Épuisant, épuisant, épuisant, fatigué je perds mon sang, épuisé je perds du temps, rapidement, on va te tromper un temps. Épuisant, galère c'est épuisant, cardave c'est épuisant, épuisant, tu connais l'épisode. Épuisant, épuisant, épuisant, galère c'est épuisant, cardave c'est épuisant, épuisant, tu connais l'épisode. Épuisant, épuisant.